Toujours à l'occasion du jour du décès du président Kim Il-sung, un journal et les pages d'internet allemands ont présenté les numéros spéciaux. Le journal Lotte Fané de juillet a présenté le portrait en sourire du président Kim Il-sung et un écrit à l'éloge de ses exploits immortels. Le forum anti-impérialiste a inséré dans son homepage d'internet les photos sur la vie révolutionnaire et les espoirs immortels du grand homme sans égal sous le titre « Grand leader du peuple ». Par ailleurs, le Cercle d'études de la culture coréenne a présenté dans le homepage d'internet de l'agence de tourisme MS une photo du président Kim Il-sung et un numéro titré « Père affectueux du peuple ».